Claude ou Laurent Paul, avez-vous dit? Oui, c'est plutôt pour le féminin, mais bon. Ah oui, eh bien, il s'agit de Florent Claude, un double prénom que son narrateur déteste absolument. Oui, ça fait les premières pages du livre, oui. C'est assez amusant. Merci beaucoup. Alors, demain, nous recevons Éric-Emmanuel Schmitt, oui. Je crois que c'est important de le préciser. Pour son nouveau livre, là aussi, qui paraît cette semaine. Voilà. Merci à toute l'équipe et on retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour Julien. Merci les infos. Si vous aimez l'émission à haute tension, oui. Vous ne serez pas déçus. Écoutez plutôt ce que va nous dire Aude. Je vous appelle de Gironde. J'ai été victime d'une fraude bancaire. Mon compte a été débité de 8 900 euros. Malgré mes recommandés et mon dépôt de plainte, ma banque ne veut rien savoir. Voilà. Aude a été débitée. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Être rebitée, c'est bien normal. Claude nous dira ceci. Je vous appelle de l'Essonne. J'ai versé 27 597 euros à un artisan pour la réfection totale de ma toiture. Non seulement il s'est présenté avec 8 mois de retard et depuis juin, le chantier est totalement à l'abandon. Les photos sont sur Facebook, la page ça peut vous arriver, vous allez voir dans quel état. Alors, c'est pas mal fait, c'est qu'il y a la moitié du travail qui est fait, c'est comme si vous alliez chez le dentiste, il vous arrache une dent mais il ne vous met pas la nouvelle. Donc il y a encore une toile là sur le toit, le pauvre, ça fait un an qu'il attend, c'est juste la cata et on ne comprend pas quelle est la stratégie de l'artisan de ne plus venir. Nous allons l'appeler bien sûr. Voici l'équipe qui m'accompagne, oh belle, talentueuse, professionnelle, Maître Novakovic est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Maître Felono est là également. Bonjour. 35 ans d'expérience dans tous les domaines, Bernard Sabat et Hervé Pouchol. Bonjour. Et puis toutes les équipes d'Alain Hazard sont là, Xavier Kassovitch réalise. C'est le 9h30, 11h d'RTL. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment au 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Laissez des cas sur le Facebook, la page ça peut vous arriver ou RTL.fr. Vois-tu, alerte ou patrage, peut-être victime d'une arnaque. J'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. J'accueille Claude sur l'antenne d'RTL. Bonjour Claude. Oui, bonjour Julien. Ah ben vous voyez, Claude ça peut être un prénom de femme ou un prénom d'homme et j'étais persuadé que c'était une femme. Eh bien okay. C'est le cas. Claude, femme, bonjour. Non, homme. Oh, bon. Ah bon. Oh, Claude, permettez-moi, je ne vous vois pas, je n'en sais rien, c'est vous et votre conscience. Non, Claude, bonjour, soyez le bienvenu, j'ai vu des photos, Claude, mais quelle histoire hallucinante. Donc déjà, comment vous trouvez cet artisan, mon Claude? Bien, écoutez, au tout début, bon, bah, j'ai eu une confiance envers lui parce que j'ai fait faire 3 devis et puis, bah... Ce n'est pas la question. C'est lui qui m'a paru le mieux. Que donc, je vous ai posé, mon Claude, je vous ai demandé comment vous l'avez trouvé. Cet artisan? Oui. Ah bah... Je savais pas d'avance ce qu'il allait me faire, donc... Claude, moi, je vais reposer une troisième fois la question, et après, si je n'y arrive pas, je conclurai que je suis incapable de faire ce métier et qu'il faut me remplacer. L'avez-vous trouvé sur une petite annonce dans Le Bon Coin? L'avez-vous trouvé? Comment vous l'avez découvert? Oui, comment sur Internet, sur Internet. Vous venez de sauver mon boulot, Claude, sinon c'était fini pour moi. Donc vous le trouvez sur Internet, il vient, il vous fait un devis, je suppose. Oui. De combien? Le devis, 31 000 et quelque chose, quoi. D'accord, et il vous dit qu'il va venir dans... Combien de temps le faire? Au tout début, il me disait qu'il allait intervenir rapidement et puis que c'était une question de un mois de travail bon. Et puis que tout serait terminé et voilà. Et c'est pas marqué sur le devis, la date d'intervention? Ben non, il n'y a pas de date. Très simplement, bien. Une date de signature. Ok, donc nous allons faire une règle d'or immédiate si vous le voulez bien, Claude. La règle d'or sur RTL. Énorme erreur, mais Claude, on ne lui en veut pas. On est là pour l'aider et on est là pour, grâce à Claude, donner des conseils à tous les autres. Toujours mettre Novakovic, mettre une date de réalisation. Bien sûr, Julien, quand vous ne précisez pas la date de réalisation maximale, eh bien, vous vous heurtez au risque que l'artisan prenne son temps. Et deuxième règle d'or, arrêtez de payer la totalité du devis. Attendez de régler au fur et à mesure des travaux, car il faut savoir, Julien, que sur un devis de près de 30 900 euros, il a versé 27 597 euros. Donc ça, c'est la deuxième règle. Bien sûr. Vraiment, au fur et à mesure des travaux et pas la totalité. Donc, Claude... Vous... Excusez-moi de vous interrompre. Oui. C'est marqué sur le devis 20% à la signature du devis, après à la moitié des travaux, donc 40%, donc ça a été respecté. C'est... Oui, il a fait la moitié et le reste, il a été payé. Et puis, bah, après, Attendez. Le premier chèque que vous lui avez fait, oui. C'est un chèque de combien? 6 100 et quelques euros à la signature du devis. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'il est marqué sur le devis? Que la deuxième somme, elle est payée quand? Oui, bah, dès que travaux commencent. C'est-à-dire que ça a commencé le 13 mai. Donc, il est venu avec son équipe installer l'échafaudage. Ah. Donc, c'était le deuxième acompte. D'accord, compris. Ensuite, donc, le simple fait de poser l'échafaudage a déclenché le deuxième paiement. Il est malin. Ah bah voilà. Oui, alors justement, le devis, vous me dites, oui, c'est sur le devis, c'est normal, c'est précisé. Oui, mais un devis, c'est contractuel. Ça se négocie, un devis. C'est pas parce qu'on vous donne un devis qu'il faut l'accepter. Il a fallu dire non, ce sera pas 40%, c'est 20%. Et croyez-moi, et voilà. À ce prix-là, je peux vous dire que pour des travaux de 30 000 euros, vous allez en trouver des couvreurs qui vont se battre pour venir chez vous. Donc, c'est à vous de dire, je donne un petit peu au début, c'est normal pour acheter du matériel, et je donnerai en fonction de l'avancée des travaux, etc. Bon, peu importe. Le problème, c'est qu'il a posé l'échafaudage et pendant 8 mois, il n'est pas revenu, c'est ça mon Claude ? L'échafaudage, il l'a mis le 13 mai. Non, après, il a commencé les travaux... C'est une semaine après. D'accord. Mais c'est entre la signature du devis et l'échafaudage. Ça a mis 8 mois. Alors, aujourd'hui, on connaît la date. Là, vous avez signé en septembre 2017. Et donc, j'ai une photo. Aujourd'hui, Maître Novakovic, il y a une petite partie. Allez voir la photo sur Facebook. Vous allez voir que on parle d'une... Enfin, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu, quelques tuiles qui ont été posées. Une grande bâche. Donc, il vit avec une bâche depuis maintenant plus d'un an. Et quand vous l'appelez, il vous dit quoi, ce monsieur ? Maintenant, il me répond plus parce que dès qu'il voit mon numéro ou celui de ma femme, eh bien, ça ne répond pas. Et évidemment, l'eau rentre dans la maison ? Ben oui, donc il y a eu un gros orage la nuit du 20 au 21 octobre. Et puis, dans notre chambre parentale, là où on dort, eh bien, il a plu, ça a mouillé, Alors, je vais refaire une troisième règle d'or. Il y en a peut-être beaucoup, mais c'est trop important parce que ça arrive trop souvent. La règle d'or. Sur RTL. Il faut attaquer bien avant. Il a été trop patient. C'est au bout d'un mois, un mois et demi, il ne vient plus. On lance. Exactement, Julien. Dans ces conditions, il faut immédiatement assigner en référé. Il y a deux solutions. Soit vous demandez l'exécution des travaux sous astreinte financière par jour de retard. C'est la première solution. Donc, il est obligé de venir sur place. Et s'il ne vient pas sur place, tous les jours, il paye des sommes qui sont fixées par le tribunal. Et deuxième solution, vous pouvez également demander à ce que cette entreprise soit substituée par une autre entreprise et que les travaux soient effectués aux frais, effectivement, de l'artisan qui ne s'est pas déplacé. Dans quelques instants, nous allons appeler. Mais Céline, vous avez des choses à rajouter sur cette enquête que vous avez menée avec brio, que l'on salue d'ailleurs. Allez-y. On a bien compris donc que Claude, son chantier est à l'abandon depuis cet été. Et pourtant, quand on est un nouveau client et qu'on souhaite faire appel à cette entreprise, voilà ce qu'on nous dit pour prendre un rendez-vous. Disponible quand ? Demain ? Oui. Bon, écoutez, c'est noté pour demain à 14h30. Voilà, donc si vous voulez avoir une nouvelle toiture, eh bien dès demain, vous pouvez avoir quelqu'un chez vous. Vous avez bien entendu qu'il y a un homme qui est là à de l'eau qui rentre chez lui. Qui a une bâche posée depuis plus d'un an parce que les travaux ne viennent plus des bâches et que pendant ce temps-là, on prend d'autres chantiers. Je ne comprends pas. Il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Avant de dire que c'est honteux, je vous le dis honnêtement, je ne peux pas croire que qu'on prenne comme ça un chantier, qu'on pose un échafaudage puis qu'on aille en faire un autre. Il y a forcément quelque chose qui nous a échappé. Appelons-le vite alors. Et c'est le but de l'émission. Nous allons appeler ce monsieur pour qu'il nous dise. Alors, d'autant de plus que l'échafaudage étant collé contre ma maison, je ne peux ni fermer les volets ni ouvrir ma porte d'entrée parce que l'échafaudage est collé contre ma maison. Vous n'êtes pas rentré chez vous depuis combien de temps, Claude ? Je rentre pas. Vous n'êtes pas sorti depuis combien de temps, Claude ? Non, mais c'est incroyable. Je plaisante. Vous pouvez plus ouvrir la porte. Je peux pas rester comme ça. Bien sûr, ma maison, elle s'abîme. Elle est pleine de taches sur la façade. Mais il faudra qu'il paie tout ça. Est-ce qu'on sait s'il est assuré, ce monsieur ? On n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien. Alors, autre règle d'or, Julien, quatrième règle d'or. Ça suffit trop. Mais si, c'est indispensable. On va se prendre un contrôle fiscal sur les règles d'or. À l'artisan à chaque fois. Donc, il faut impérativement, lorsque vous demandez le devis, demander l'attestation également de l'assurance et vous contacter l'assurance également, cher Claude, pour déclarer ce sinistre. Céline. Alors, c'est noté sur le devis que Claude a signé. On a bien la référence de la protection de cet artisan. Ça marche. Nous allons donc appeler tous ces gens-là. Dossier super intéressant parce que malheureusement, il y a, et je le dis et je le redis, d'excellents, de très bons, de très sérieux artisans qui nous écoutent d'ailleurs le matin. Et puis, il y a ces gens qui prennent des acomptes et qui ne viennent plus. Et ça, c'est insupportable. En plus, ils font de l'ombre à tous les autres parce que du coup, on met tous les mêmes artisans dans le même panier. C'est pas bien. Un artisan, il prend un devis et il vient, il finit. Et quand il a fini, il va faire un autre chantier. Dans quelques instants, nous allons appeler donc cet artisan, vérifier auprès de l'assurance également qu'il est bien assuré. Et puis, il y aura le deuxième cas. Aude a été victime d'un vol par russe. Son compte a été débité de 8 900 euros. Et nous essaierons d'en savoir plus. Merci Charlotte, merci beaucoup. Ça se passe sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pots Original Ariel est à seulement 12,29€, avec en plus 70% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Identité, armure, parure, marqueur social, état d'esprit, qu'est-ce que notre look dit de nous ? L'habit fait le moine ou pas ? Cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. Moi, cette année, j'ai décidé de faire du sport 3 fois par semaine. Moi, je vais apprendre le chinois. Et moi, j'arrête de râler. Stop, chaque année c'est la même chose. Et si pour la première fois, vous teniez vos bonnes résolutions ? Pour perdre vos kilos en trop, faites comme j'aime. Vous perdrez du poids et vous tiendrez enfin vos bonnes résolutions. Tous vos repas minceurs sont livrés à domicile et vous êtes suivis par une coach minceur. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 507 507 0800 507 507 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Les appels pour l'artisan afin qu'il termine la réfection de la toiture de Claude. C'est après Slimane, via On S'aime, qui pourrait être un hymne pour 2019 et qui me permet de vous rappeler une nouvelle fois que nous vous souhaitons une belle et heureuse année sur RTL. Ils pourront tous nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leur amour, de la bienséance. Viens, on s'aime. On s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime. On est fous. Encore un jour. Parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. On s'aime et c'est sur RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. C'est vraiment une drôle d'histoire et une histoire catastrophique parce qu'on le sent bien. Alors on essaie de détendre l'atmosphère avec Claude, mais Claude, je pense qu'il n'a pas envie que l'on détende l'atmosphère parce qu'il n'en peut plus. Il a payé très très très très cher pour qu'on lui refasse sa toiture. D'après ce qu'il nous dit, l'artisan est venu à poser juste un échafaudage pour pouvoir prendre la compte, pour pouvoir prendre le deuxième paiement, et ne vient plus depuis plus d'un an. Et il a de l'eau qui entre chez lui, et il se dit, mais comment tout ceci va se terminer? Et pendant ce temps-là, Céline s'amuse, notre journaliste, à téléphoner, à prendre un rendez-vous pour un autre chantier, on lui dit, on peut être là demain. Donc maintenant, il faut appeler tout de suite FB Couverture. FB Couverture, ça se trouve, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres FB Couverture, ça se trouve à Lys, dans l'Essonne. Reconnu qualification Calibat. C'est ce qui est marqué sur leur site, donc on pourrait aussi appeler Calibat. Et sur le devis d'ailleurs. Et sur le devis. Allô ? Oui. Monsieur FB Couverture ? Oui, bonjour. Monsieur Binon ? Bonjour, oui. Monsieur Binon, je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL, monsieur Binon, et je suis avec Claude Cossuet, qui attend, d'après ce qu'il nous dit, depuis plus d'un an, que vous veniez finir sa toiture, où il y a toujours des bâches, et maintenant plein d'infiltrations d'eau. Que se passe-t-il, oui. Monsieur Binon ? Est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit ? Il a entendu ensemble, mais on va accepter le tien. Attendez, monsieur, le devis, vous savez que c'est qu'il a été signé le 30 septembre, oui. En septembre 2017. Ouais. Et vous ne finissez toujours pas la toiture ? Si, si, on va la finir, mais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce client, là, devait me payer une prestation qu'on avait fait. On avait avancé un peu plus. Que monsieur a fait un dossier là-là. Mais vous avez été payé ? Alors, vous n'avez rien à voir avec l'ANA, c'est alors, moi qui... On va être très clair sur les paiements. Le devis est de 30 000, le devis, hein, 30 664 euros. Et vous avez touché à ce jour 27 000. Il ne reste que 3 000 à payer et la toiture est bâchée depuis plus d'un an. Et ça pue. Bon, ça fait pas un an, mais bon. Alors, je répète, monsieur, ne disons pas de bêtises, ne dites pas que ça fait pas plus d'un an. Le devis, on l'a sous les yeux, il date de septembre 2017. Vous voulez qu'on compte ensemble les mois ? Oui, non mais regardez. On y va, septembre 2017. Oui. Écoutez-moi. Quand on fait un devis, on ne fait pas d'intervention dès qu'on a fait le devis. Il y a un presque 5 mois ou 6 mois de délai. Attendez. Comme ça, c'est bien clair. Donc, je peux dire sur l'antenne d'RTL à tous ceux qui nous écoutent que si on passe par FB Couverture à Lys, rue des Malines, il peut y avoir 7 à 8 ou 9 mois de travaux avant que vous veniez. Non, de délai. Avant d'accord. Bah voilà, tout le monde le saura. Si vous passez par eux, sachez qu'il y a 9 mois de délai avant qu'ils viennent faire la toiture. Non, pas 9 mois, à peu près. Alors, pourquoi lui, ça n'est pas fini, monsieur ? Parce qu'on va finir, là, mais voilà, j'ai pas eu en temps et en heure l'argent que je devais avoir. Mais monsieur, donc, vous avez eu 27 000 ! Il vous faut combien, monsieur, la totalité ? Non, pas du tout, non. Mais alors, qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi vous dites que vous avez pas l'argent ? J'ai eu l'argent, mais pas en temps et en heure. Donc, alors, moi, je comprends ce que vous me dites. Claude, je comprends. Ok. Claude, le dernier paiement date de quand ? Le dernier paiement, il date du mois de fin juin. Fin juin. Je vous ai envoyé mes talons de chèque et mes relevés de banque. Alors, fin juin, monsieur, vous aviez 27 000 euros. Donc, en juillet, en août, en septembre... Août, c'était fermé. Août, c'était fermé, d'accord. Oui, mais moi, c'est ouvert chez moi. Je ne suis pas parti en vacances, monsieur Binon, moi. Alors, déjà, il y a de la pluie qui rentre, monsieur. Il va falloir faire jouer votre assurance, puisque depuis, il a eu des dégâts. Et je voudrais vous faire écouter quelque chose. Monsieur, on vous a appelé cette semaine. Regardez comme ça va beaucoup plus vite quand il s'agit de prendre de nouveaux rendez-vous. Après, vous n'y allez pas pour les faire, mais écoutez-vous. Disponible quand ? Demain ? Oui. Bon, écoutez, c'est noté pour demain à 14h30. Voilà, ça c'est Madame Binon, je suppose, qui prend les rendez-vous. Donc là, 48 heures après, vous allez tout de suite prendre de nouveaux devis. Mais alors alors il vous a envoyé une lettre, hein, vous le savez. Oui, bien sûr. J'ai signé avec vous le 11 septembre 2017 un devis par lequel je vous ai confié les travaux de réfection de toiture. On ira lundi, sur fond janvier. Lundi, mais alors monsieur, non seulement il faut que vous alliez lundi, mais faites jouer votre assurance parce qu'il va vous montrer toutes les infiltrations d'eau qu'il a eues suite à votre bâche, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, eh bien, écoutez, ce que l'on fait, Claude, c'est qu'on s'appelle lundi. Excusez-moi de vous interrompre. Ça fait 3 mois que M. Binon me dit qu'il vient la semaine prochaine et je suis mené en bateau, Claude, il ne vient Claude, pas. Claude, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que, en m'appelant, vous espériez quoi ? Que j'aille le prendre par la culotte et que je l'emmène sur le chantier ? Non, mais que la solution se termine et que mais je, Claude, il est en train de vous dire qu'il va venir. Claude, il est en train de vous dire qu'il va venir lundi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Oui. À lundi, sans faute, on sera là. Qu'est-ce que... Non, mais dites-moi, Claude. Bah, si c'est la vérité, je veux bien... Ah non, c'est un mensonge. Vous le savez bien que quand on appelle les gens, ils nous mentent. Mais Claude, enfin, je peux pas, moi, embêter les gens et leur dire, monsieur, il y a eu un gros problème. Et là, il y a un gros problème, il va venir lundi. Maintenant, je lui fais confiance et on verra bien lundi s'il vient ou pas, Claude. Si je peux me permettre, Claude... Maître Novakovic, avocate. Voilà, si je peux me permettre, Claude, de toute façon, l'émission suit les dossiers. D'accord. Donc, de toute façon, on va effectivement suivre le dossier et vérifier si tous les travaux sont bien effectués. Et d'ailleurs, Claude, lundi matin, si ce monsieur vient le matin, vous allez m'appeler en direct sur l'antenne d'RTL pour me dire, il est là, il est en train de terminer. Mais vraiment, monsieur, j'insiste sur l'assurance. Hein, vous allez voir les dégâts qu'il y a eu suite à cette bâche qui est là depuis plus d'un an. Ok, allez, on fait comme ça, merci. Récupérez, ne raccrochez pas tout de suite, prenez l'appel, mon cher Hervé. Donc, nos amis d'FB Couverture, monsieur Binon, va aller au bout de... Mais alors, du coup, ça fait combien de temps ? Parce que je ne sais pas. Alors, en fait, le devis a été signé en septembre 2017. Les travaux n'ont commencé que 8 mois plus tard, en mai 2018. Et ça fait depuis cet été que le tout est bâché. Bon, c'est incroyable ça. Il faut vraiment maintenant avancer très vite. Je crois que ce monsieur, il a compris. On est obligé des fois. Vous voyez, encore une fois, on est là pour faire des médiations et ça marche. Parce que si là, on n'intervient pas, le pauvre Claude, il ne voulait pas partir dans un procès qui aurait duré en plus donc pendant ce temps-là. Parce que c'est ce qui se passe aussi. Si on mène un procès, c'est que la maison, elle continue à se remplir d'eau. Oui, alors la seule différence dans ce dossier, c'est que là, on a des travaux qui ne sont pas terminés. On parle pas de malfaçon, on parle de travaux pas terminés. Donc, on a quand même des moyens de faire exécuter assez rapidement les choses. Mais dans tous les cas, nous rendons service également à cette entreprise, puisque là, ça va se passer amiablement, parce qu'il faut savoir que si Claude avait engagé un procès, il aurait réclamé par la suite des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure au fond. Ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt de l'artisan. Je ne comprends pas. Soit c'est d'accumuler comme ça des procès, mais quel est l'intérêt de ne pas venir finir une prestation? Enfin, c'est oui, comme si vous allez chez le coiffeur, il commence à vous couper les cheveux d'un côté, et c'est fini. Bah non, mais j'ai 8 clients qui attendent, monsieur, je ne vais pas couper les cheveux en entier à tout le monde, sinon j'aurai moins de clients. Enfin, c'est ridicule. Très bel exemple d'ailleurs que je viens de donner là. Allez, on va s'écouter Calvin Harris et Sam Smith sur RTL avec Promises. Are you drunk or no? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy's taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. 'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. 'Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Calvin Harris et Sam Smith, Promises, et dans une seconde, ça sera le deuxième cas, Charlotte. Aude, son compte a été débité de 8 900 € suite à un vol par ruse. Les conséquences sont dramatiques puisqu'elle est désormais fichée à la Banque de France. Eh ben voilà, fichée à la Banque de France. C'est ce que lui dit la banquière, bah c'est la vie. Elle n'y est pour rien, à tout de suite. RTL en fête. Amis, bonjour, c'est Pascal Pro. De l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Belle année 2019 sur RTL. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors, fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hervé, sur le cas de la toiture que nous venons de faire, vous avez continué à discuter avec cet artisan, s'il vous plaît. Oui, le rendez-vous est pris. Il est pris lundi à 8h30. Il y en a pour à peu près une quinzaine de jours de travaux, mais on vérifiera quand même mardi sur l'antenne pour savoir si ça s'est bien passé. Allez, Aude, je lui dis bonjour rapidement. Aude, bonjour. Oui, bonjour. Aude, mais incroyable cette histoire, on va la raconter dans quelques instants. Victime d'une fraude bancaire, on lui a débité 8 900 euros. Imaginez-vous que là, demain, vous ayez un trou de trésorerie sur vos comptes personnels de 8 900 euros. Elle est fichée à la Banque de France. Harcelé par une société de recouvrement que nous appellerons aussi. C'est vraiment un cas d'école qu'il faut écouter sur RTL dans quelques instants. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd. Si les grands soirs ne valent plus rien, en vient le jour. J'aimerais t'aimer comme il se doit. Pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne revient pas. Personne ne saura mieux que toi. Pardonne-moi. Regarde-nous, fermez les yeux face au miroir. Il nous foudroie quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat. Sauvez l'amour, sauvez l'envie une dernière fois. Johnny Hallyday, le grand Johnny avec Pardonne-moi. 12 janvier, on approche les amis, dans 10 jours, 12 janvier, on est au Casino Barrière de Bordeaux à Bordeaux-Lac pour le One Man Show. On va mettre le feu à Bordeaux, retour sur mes terres, 12 janvier, c'est un samedi soir. Et le lendemain, le 13, le dimanche après-midi, on sera à Tarbes pour le One Man Show au 7. J'aime ma cure thermale à Gréoux-les-Bains. Pour soigner mes sinusites à répétition, les vapeurs thermales m'apaisent. La rééducation respiratoire me libère et je profite de l'air pur de la Provence. Pour vos affections respiratoires, prenez un nouveau départ à Gréoux-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chaînethermale.fr. Intermarché vous propose d'écouter des milliers de cadeaux. Tu veux quoi pour ton anniversaire, mon chéri? Un ticket de caisse. Oh, mais t'exagères, t'as déjà eu un pour Noël. Cette année, votre ticket de caisse peut vous faire gagner des milliers de cadeaux. Pour jouer, téléchargez l'appli Intermarché 50 ans. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Modalité complète des jeux sur intermarché.com et à l'accueil des magasins participants. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Je vous embarque en Patagonie pour un nouveau jeu d'aventure, The Bridge. Sur une île, un trésor de 150 000 euros. Pour l'atteindre, 16 candidats devront construire un pont et relever des épreuves spectaculaires. Solidarité, aventure et stratégie, des défis hors du commun attendent nos chercheurs d'or. The Bridge, présenté par Stéphane Rothenberg, demain à 21h sur M6. RTL vous souhaite une bonne année 2019. Merci d'être avec nous. Un cas de banque à ne pas manquer. 8 900 euros. Elle n'y est pour rien. Fiché, harcelé au téléphone. On l'aide. Il est 10h. Les infos, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une tentative de blocage d'un dépôt pétrolier ce matin en Seine-Maritime près de Rouen. Plusieurs dizaines de gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à 4h du matin pour empêcher les camions de carburant d'entrer ou de sortir. Ils ont finalement été évacués dans le calme vers 9h, nous indique le correspondant RTL sur place, Frédéric Veil. Qu'arrive-t-il à Jean-Luc Mélenchon qui s'est dit hier fasciné par le gilet jaune Éric Drouet? Il a quitté les rives de la gauche, estime Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération, qui était l'invité d'RTL ce matin. Alors lui ne partage pas cette fascination, même s'il s'intéresse au mouvement social. Je ne suis pas fasciné par ce gilet jaune qui, semble-t-il, assume d'avoir voté aux deux tours pour Marine Le Pen. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne se parlent pas et ne seraient pas prêts de se parler si ça continue comme ça. Le leader de Génération dénonce une course électoraliste à la récupération. Le Pen est gilet jaune, Mélenchon est gilet jaune, Wauquiez est gilet jaune, tout le monde est gilet jaune dans ce pays, a-t-il déploré. Alors comment le gouvernement va-t-il poursuivre son action après un mois et demi de crise sociale? 2/3 des Français sont pessimistes quant à la conduite des réformes selon un sondage Harris Interactive pour RTL et M6. Seulement 1 Français sur 2 pense que le gouvernement va tenir compte du grand débat lancé pour répondre aux gilets jaunes. L'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne popularisé ces dernières semaines est plébiscité selon notre sondage. 80% des Français y sont favorables. Sans doute un règlement de compte sur fond de trafic de drogue à Villeurbanne. 4 hommes blessés par balle ont été déposés hier soir devant un hôpital lyonnais. Le pronostic vital est engagé pour 3 d'entre eux, tous âgés d'une 20aine d'années, connus de la police. Ils auraient participé à une fusillade sur un parking connu pour être un lieu de trafic de stupéfiants. La bourse de Paris s'enfonce dans le rouge dès l'ouverture ce matin, moins 2,55%. Le CAC 40 actuellement autour des 4610 points. Il a été promu hier dans la Légion d'honneur. L'auteur Michel Houellebecq sort son nouveau livre vendredi, Sérotonine, un ouvrage qui devrait dominer la rentrée littéraire d'hiver, plongeant ses lecteurs au cœur de la France rurale, semblant avoir anticipé le mouvement des Gilets jaunes. 320 000 exemplaires ont été produits pour le 7e roman de l'écrivain français, parmi les plus connus et traduits à l'étranger, Michel Houellebecq. La météo cet après-midi, soleil des Pyrénées au Languedoc-Roussillon, PACA et Corse, mais le Mistral et la Tramontane soufflent violemment avec des rafales dépassant les 100 km/h. Ailleurs, le ciel est souvent nuageux et quelques averses faibles et localisées sont attendues du nord de la Seine au Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, région lyonnaise. Le soleil va revenir de la Loire au nord de la Garonne. Les températures pour cet après-midi, 3 degrés à Langres, 5 à Nevers et à Toulouse, 6 à Orléans, 7 à Paris, à Montélimar, à Agen, 9 degrés à Marseille, 12 à Perpignan, 15 à Toulon, 16 degrés à Bastia. Les courses à l'hippodrome de Pau cet après-midi pour le Quintet. Voici les pronostics de Claude Piersanti. Il vous conseille de miser sur le numéro 2, le 14, le 7, le 11, l'As, le 4, le 6, le 5 et la dernière minute, c'est le 14. Take 2, 10h03 sur RTL. Retour de Julien Courbet. Merci beaucoup. D'autres infos tout à l'heure à partir de 11h. Et tout de suite, nous faisons le point info sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 sur l'antenne d'RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Histoire de toiture rocambolesque, ma chère Charlotte. Claude a payé 27 000 euros pour la réfection de sa toiture. Depuis juin, le chantier est à l'abandon. Ça fait des mois. Alors qu'il a payé, écoutez bien, 27 000 euros sur 30 000 qu'il a une bâche sur son toit. De l'eau rentre dans sa maison. Nous appelons l'artisan qui nous dit « Oui, mais j'avais pas reçu encore assez de sous. » 27 000 sur 30 000. Et pendant ce temps-là, il prend d'autres chantiers puisque notre journaliste a téléphoné. Et là, du coup, on lui a dit tout de suite « On vient demain chez vous pour un nouveau chantier. » Ça devrait s'arranger quand même, Hervé. Notre appel a eu beaucoup d'impact. Le rendez-vous est pris. Lundi 8h30, ça tombe bien, il n'a pas de chantier en cours. Ça tombe bien. Et Claude nous appelle lundi ou mardi sur l'antenne d'RTL pour nous dire « Ça y est, il est là. » Nous allons attaquer le deuxième cas dans une seconde. C'est le cas de Aude qui est aide-soignante. Et croyez-moi, quand on est aide-soignante et qu'on se prend 8900 euros comme ça sur son compte en banque, on l'a mauvaise. Et aujourd'hui, elle est fichée à la Banque de France et harcelée par une société de recouvrement. Maître Fellonneau, vous sentez-vous capable de nous expliquer dans quelques instants ce cas? Et d'ailleurs, vous a-t-il ému? Eh ben oui, il m'a ému et puis il m'a énervé. Bon. Parce que c'est avec la même banque que nous avons eu il n'y a pas si longtemps que ça, dans des circonstances tout à fait similaires. À être ému, ça me rappelle cet homme politique qui vient et qui dit à la foule « Je suis ému !» Et la foule répond en chœur « Vive ému !» Et après il dit « Je suis frappé par l'accueil !» Et la foule lui répond « Ah bah l'accueil qui frappe ému !» Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pods Original Ariel est à seulement 12,29€, avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et voici donc ce cas de fraude bancaire que vous allez écouter très attentivement. C'est celui de Aude, qui est en ligne avec nous sur l'antenne d'RTL. Aude, bonjour. Bonjour. Aude, qui est assistante, aide-soignante, pardon. Dans quelle ville, Aude? L'Aréole. Maître Fellonneau, comment s'est-elle fait pirater, Aude? Alors, elle reçoit un jour un coup de fil et la banque reconnaît que ce sont ses services fraude qui l'ont appelée pour lui dire « Écoutez, c'est drôle, vous êtes allé au Maroc, là, vous êtes en France, là, parce que il y a depuis l'étranger des tentatives de connexion par Internet sur votre compte bancaire. Bah, » Aude, elle répond non. Alors, les gens lui disent bah, « Faites attention. » Puis rien ne se passe, elle vérifie son compte, tout va très bien. Quelques temps après, mais quand je dis quelques temps après, c'est peut-être 10 jours après, elle reçoit un SMS disant « Attention, allez voir sur votre compte si tout va bien et si vous n'avez pas telle et telle chose à vérifier. » Elle le fait, elle regarde, elle n'a pas de piratage, tout va très bien, mais elle a fait une manipulation qu'on lui demande. Deuxième coup de fil, enfin troisième coup de fil, et cette fois-ci c'est le deuxième et le troisième ne sont pas faits par sa banque, qui lui demande de faire des manipulations, de modifier ses comptes en banque, et elle ne se méfie pas comme tout à chacun. Pourquoi? Parce que quand on est devant son écran, on reçoit une instruction de faire quelque chose par téléphone, on se sent très bien, mais on le fait pas par téléphone, on va tout seul ensuite devant son ordinateur et on fait les changements de code, etc. Mais le compte est déjà sous observation des pirates et il voit exactement ce qui se passe, et ensuite ils ont utilisé son compte bancaire de façon extrêmement perverse, Julien, parce que pour être sûr que les virements frauduleux qu'ils vont passer pour elle, eh bien, il figurez-vous qu'il dépose sur son compte en banque des chèques. Le 12 avril, il dépose un chèque pour être sûr que son compte soit provisionné. Le lendemain, ils font les virements et donc l'argent part. Mais ce chèque, évidemment, il y a eu une opposition pour perte. Et donc, il est débité, ce qui fait qu'elle se retrouve avec un découvert de 8900 euros. La banque a mis, depuis le 20 avril où elle a contesté, juin, juillet, août, septembre, pour répondre « Eh ben non, je suis désolée, c'est de votre faute. » Alors qu'en revanche, pour clôturer son compte et lui envoyer un organisme de recouvrement, là, je peux vous dire, ça a été beaucoup plus rapide. Allez, nous allons donc appeler, si vous le voulez bien, dans une seconde, Aude, votre banque. Bon, c'est des cas qui ont déjà été traités. Et on le sait, la banque a une responsabilité. Il y a des jurisprudences, vraiment, car elle n'a pas assez sécurisé son site. Exactement. Elle doit prouver la faute grave, en fait, de son client, la négligence lourde. Or, c'est une ruse, elle a été victime d'une ruse, elle n'a commis aucune négligence parce que, voilà, c'est quelqu'un qui ne pense à rien jamais. Ce n'est pas du tout le cas, elle s'est fait avoir par des escrocs. Allez, c'est parti, nous allons appeler dans une seconde, mais nous allons nous retrouver après avoir écouté Donna Summer, Hot Stuff. Bonne année 2019 à vous tous. Donna Summer, Hot Stuff. Les appels pour Aude et les 8900 euros que sa banque doit lui reverser. Reste dans quelques secondes sur RTL. Vendredi soir, France 3 vous emmène dans les années Bouvard. Une balade dans le parcours hors norme d'un touche-à-tout pertinent et impertinent. Des amitiés inattendues, des innovations qui ont jalonné la carrière de Philippe Bouvard et marqué plusieurs générations. Les années Bouvard, le rire et l'impertinence, un film proposé et réalisé par Mireille Dumas, vendredi à 21h sur France 3. Avec RTL, vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL, c'est toujours le cas bancaire qui passionne tout le monde, celui de Aude. Elle a été victime d'une fraude bancaire. Son compte a été débité de 8 900 euros. Aujourd'hui, elle est fichée à la Banque de France et harcelée par une société de recouvrement. Alors, nous allons déjà faire une première règle d'or juste avant d'appeler concernant cette entreprise qui vous appelle de recouvrement. Donc, il vous envoie des courriers qui disent quoi, ma chère Aude ? Je suis en recouvrement de créances, que je suis interdit bancaire et que je leur dois la somme de 9 523,83 €. Très bien. Ils ne vous menacent pas encore de venir vous saisir ou des choses comme ça ou de procès ? Non, là, c'est le centre de solution amiable. Bon, très bien. Hein, donc, je l'ai sous les yeux, voilà, on vient de me la donner. Proposition de facilité de paiement, recouvrement de créances amiable et judiciaire. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, Maître Novakovic, puisque, on le rappelle, et c'est une règle d'or... La règle d'or sur RTL. Une société de recouvrement ne peut absolument rien, je dis bien absolument, et je dis bien dans la même phrase, rien, si elle n'a pas un jugement. Bien sûr, et d'ailleurs souvent les gens confondent une lettre commandée d'un organisme de recouvrement avec un jugement. Donc tant que, et même un huissier, si un huissier vous fait une sommation de payer, s'il n'y a pas de jugement, ça n'a aucune valeur. Donc règle d'or, quand vous recevez ce genre de papier, c'est le cas, Aude, vous envoyez une lettre à ces gens-là, recommandée si vous le souhaitez. Cher monsieur, veuillez m'envoyer le jugement qui vous permet de me demander de payer aujourd'hui. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a marqué sur la feuille qu'elle reçoit, et c'est pour vous faire peur. Et en général, ils utilisent des lettres bleues, parce que le bleu, c'est ce qu'on utilise souvent dans les jugements. Là, il y a marqué « recouvrement de créances amiable et judiciaire ». Qu'est-ce qu'il y a de judiciaire là-dedans? Justement, c'est justement pour faire peur, c'est pour essayer d'intimider l'interlocuteur qui se dit « oh, judiciaire », c'est qui dit judiciaire, dit que c'est un jugement. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas très habitués à la justice et qui croient qu'il s'agit d'une exécution d'un jugement. Donc là, de ce côté-là, vous n'avez absolument rien à craindre. Néanmoins, nous commençons par l'appeler la banque. C'est parti, on y va, voyons ce que va nous dire nos amis de la BNP. BNP Paribas-Langon, monsieur Castéra, bonjour. Bonjour monsieur Castéra, ça tombe bien, c'est à vous que je voulais parler, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Monsieur Castéra, je vous appelle pour Aude Cazenave, qui a été victime d'un piratage, et que vous avez malheureusement, j'ai l'impression, vous lui avez fermé son compte, elle est maintenant interdite bancaire, alors qu'elle est victime d'un piratage comme il y en a beaucoup, dû à un système informatique qui n'est pas assez sécurisé. Alors aujourd'hui, elle est dans une situation catastrophique. On voulait savoir un petit peu quel était le point de vue de la BNP. Il faut que je contacte mes services qui sont spécialisés sur ça, qui ont en charge de dossier, parce que je n'ai plus du tout en charge de dossier. C'est pas vous qui fermez, c'est à Paris que ça ferme? Quand vous fermez les comptes? C'est pas moi qui ai en gestion le dossier. À quel numéro on peut vous rappeler, monsieur? Je vais vous laisser un numéro. Est-ce qu'à tout hasard, monsieur Agier est là? Ah, mon directeur d'agence? Oui. Non, il est pas là. Il est pas là aujourd'hui. Ah. Je peux reprendre vos coordonnées? Alors, prenez les coordonnées. Nous, on va appeler le siège directement en parallèle. Bernard, vous donnez les coordonnées à ce monsieur. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un petit peu le problème, c'est que quand vous avez une agence locale, on fait souvent beaucoup de publicité où on voit l'agent là qui est sur la place du village. Alors, c'est peut-être pas cette marque-là, mais qui explique que là, je suis là. Vous voyez, je suis au cœur du village. On peut même aller boire une suze ensemble parce que moi, je suis près de mes clients. Mais quand vous demandez des explications, c'est toujours Paris dans ces cas-là. C'est le Parisien qui a fait ça. Nous, on le fait pas. Bon, donc, il va falloir appeler Paris. C'est donc Bernard ou Hervé qui va s'en occuper. On va passer maintenant au-dessus, le contact direction régionale, parce que avant de passer à Paris, il y a la région. Donc là, on était à Langon en Gironde. Nous allons partir maintenant à Bordeaux un petit peu plus loin. On y va pour Bordeaux, ma chère Céline. Guillaume de Montalembert à l'appareil, bonjour. Bonjour monsieur de Montalembert, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je me permets de vous déranger quelques instants car j'essaie d'aider dans mon émission de radio une auditrice qui a un compte à la BNP Paribas Langon et qui, la pauvre, a été victime d'un piratage informatique. Et du coup, eh bien, on lui a fermé son compte et maintenant on lui envoie une société de recouvrement pour payer 9 310 euros, alors qu'il y a visiblement une faille sur le site informatique qui a permis aux pirates d'entrer dans son compte. Et voilà, bon, donc il y a plein de jurisprudence là-dessus, hein, on le sait, mais aujourd'hui, la pauvre, elle est dans une situation catastrophique. Alors, je voulais savoir un petit peu quel était le point de vue de la BNP. Alors, je suis désolé, je ne peux pas répondre au téléphone en vertu du secret bancaire. Alors, elle est en ligne. Alors, déjà, je comprends, monsieur, mais je vais juste... Aude, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Vous êtes la cliente? Oui. Est-ce que le secret bancaire vous ennuie? Je ne peux pas. Non, pas du tout. Parler. Non, mais attendez, c'est pas la question. Peu importe que ce soit en ligne ou pas. On ne parle pas au téléphone à des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas en face de soi. D'accord. Voilà. On ne lui parle pas non plus quand on l'a en face, hein, je vous rassure. Mais c'est pas grave. Merci monsieur, vous êtes le deuxième qui nous dit qu'on ne peut pas à la BNP. Ce n'est pas grave, bonne journée. Nous sommes, c'est la réglementation. Bien sûr, je comprends très bien. Au revoir. Donc, vous voyez, très bien. Donc, quand on appelle la BNP Paris-Balongon, on nous répond, voyez avec au-dessus. Nous appelons au-dessus ce monsieur Dinon, on ne parle pas au téléphone. Mais peut-être qu'on aura une solution, c'est aller à Roland-Garros. Mais ils y sont chaque année. Et si on va... Et oui, à chaque année, ils sont à Roland-Garros. Peut-être que là, au salon VIP, on pourrait tomber sur eux et leur en parler. Bernard, est-ce que vous êtes d'accord, Hervé Pouchol? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, j'en étais sûr. Si on pouvait avoir quelques invitations, ça serait super. Alors, on va les appeler pour avoir une invitation. Oui. Et grâce à l'invitation, vous irez leur demander comment on peut régler le cas. Et Bernard Sabat. Alors, moi, j'ai pas été à Roland-Garros. J'ai parlé directement au siège, Julien. Et j'ai eu quelqu'un de la direction qui a pris le dossier en main. Ils ont l'affiche en question. Super. Et ils vont revenir vers nous très vite. Et ils le font parce que déjà, déjà, c'est, je le dis sous contrôle des avocats et de vous, Maître Fellono, ça serait l'obliger à aller à un procès perdu d'avance, parce que les jurisprudences, on pourrait monter un gratte-ciel avec ces jurisprudences. Dans la mesure où elle n'a pas donné son code à quelqu'un, là c'est une ruse, voilà, ça a été dit et redit. Mais attendez, dans cette affaire, comme le dit, essaye en tout cas de le dire Aude, il y a deux fautes de la banque. La première, assez classique, un compte qui peut être piraté, le fait qu'il soit piraté montre qu'il y a une défaillance dans le service informatique qui est sous la responsabilité de la banque et non pas du client. Il n'y a pas eu de remise volontaire des codes par Aude, elle n'a fait aucune faute, en tout cas elle n'a pas été prouvée par la banque et elle doit le prouver. Mais deuxième chose, c'est qu'on a, pour pouvoir être sûr que les virements soient faits, on a d'abord déposé des chèques sur son compte. Comment est-ce que ces chèques ont atterri sur son compte alors que sur la signature pour l'endossement, ce n'est pas la sienne? Donc en fait, c'est la banque qui est par deux défaillances a permis qu'elle se retrouve aujourd'hui découverte avec 8 900 € de découverte. Hervé Pouchol, je suis plutôt confiant parce que le 9 octobre dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait même le directeur général adjoint qui s'appelle Bertrand Cizeau. On avait d'ailleurs fait une superbe chanson sur son nom qu'il avait beaucoup apprécié. Il était intervenu, il avait réglé le problème lui-même. Eh ben j'espère qu'il va le faire parce qu'on ne peut pas être une grande banque comme ça et dire ensuite si vous vous faites pirater. Parce que nos systèmes font qu'on peut se faire pirater. Alors, effectivement, les pirates sont toujours plus malins, mais il faut qu'ils assument. C'est la loi, ils doivent rembourser. Et je trouve un peu léger qu'on dise à Aude, on tente le coup, on la vire, on verra bien jusqu'où elle ira. Là, elle a la chance d'être tombée sur nous, mais sinon, elle est dans... financièrement, ça vous met dans quelle situation, Aude? Sans en rajouter, hein, je ne vous demande pas de nous faire du malheur pour nous faire du malheur. Dites la vérité. Non, je n'ai plus de carte bleue, je n'ai plus de chéquier. Il faut que j'aille au guichet pour retirer de l'argent. Je fais au minimum. Bon, allez, on va les avoir. Je pense que nous allons avancer assez rapidement. Alors après, j'ai fait un peu... Voilà, c'est l'esprit de l'émission. Quand je dis on va aller à Roland-Garros, c'est parce que la BNP, je crois, depuis des années... Et toujours. Sponsor. Oui. Donc on se dit, si on ne les trouve pas à la banque, on les trouvera là-bas. Mais ça serait embêtant. Imaginez, en plein match de tennis, tout d'un coup l'arbitre. Advantage, Djokovic. Et là, on m'entend au loin. Faut la rembourser, monsieur. Silence, please. Silence, s'il vous plaît. Elle n'a pas payé, je te dis, dedans. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez 2 secondes. Djokovic, servi. Mais je vous dis qu'elle s'est fait pirater. S'il vous plaît, vous dérangez, monsieur. Les gens, ils vont commencer à me siffler. Enfin, on ne peut pas faire ça autant que... Et puis nous, on ne veut pas attendre le mois de mai. On veut maintenant. Bon, néanmoins, si le cas se règle, une petite invitation pour aller au Roland-Garros sera la bienvenue. Et elle sera pour vous, Aude, bien évidemment. Peut-être l'invitation au cocktail aussi. Oui. Alors... Il ne perd pas le nord, celui-là. Nous allons, Aude, vous donner des nouvelles quand, du coup, il faut qu'on attende demain après-demain. Ouais, je pense qu'on aura, à mon avis, dans l'après-midi, donc du nouveau. Allez, ça marche. On fait comme ça, Aude ? Très bien, merci beaucoup. Et sachez que vous qui êtes aide-soignante, vous avez encore un bel avenir parce qu'il y en a quelques-uns à soigner dans le studio, là, croyez-moi. Ah. Ah, ça, c'est pour nous. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, on ne va pas appeler la société de recouvrement parce que ça ne sert à rien. Vous vous rappelez, donc, juste non, mais en plus, là, ils n'ont pas vraiment encore menacé de procès. Ils mettent juste recouvrement de créances amiables et judiciaires, mais ils mettent bien que c'est un règlement à la amiable, mais encore une fois, ne l'oubliez jamais, que ce soit un huissier ou que ce soit une société de recouvrement, quand vous recevez un papier en disant « Attention, voilà !» Les gens paniquent, mais non. Non, il faut être certain qu'il s'agit d'un jugement. Et si c'est un jugement, vérifiez s'il n'y a pas une possibilité de faire appel. Et tout est noté sur l'acte. Dans quelques instants, Charlotte. On va revenir sur le dossier de Bruno. C'est son deuxième passage dans l'émission. Une entreprise pour laquelle il travaille lui doit 2 800 €. Et là, on s'écoute le nouvel extrait de l'album de Patrick Bruel. Pas eu le temps. Il l'aura peut-être en 2019. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami. Pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer. Me souvenir de toutes les peaux. que j'ai touchés, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps, pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Le temps on revient jamais en arrière. On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais. Avec ses rêves plein la tête. Il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Patrick Bruel avec Pas eu le temps sur RTL. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Hervé Pouchol, on n'oublie pas que Giramon, c'est chouette, on ne fait plus poète-poète, il est toujours bon quand on l'achète. Non, parce que les gens l'ont beaucoup oublié, parce qu'un camembert, ça se choisit bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Merci d'être là. Leclerc. Chérie, tu me croiras jamais, mais j'ai gagné. Comment ça, t'as gagné? T'as gagné quoi? 100 euros au grand jeu Leclerc. Comment ça? Bah chez Leclerc, tous les jours, dans les magasins, dans les drives ou sur le net, dès 30 euros d'achat, tu peux gagner une carte cadeau de 100 euros. Et voilà, j'ai gagné. Bah et moi? Quoi toi? Du 3 au 12 janvier, participez à notre grand jeu et tentez de gagner 100 euros en carte cadeau dès 30 euros d'achat. Voir modalité dans les magasins, drive, site participant et sur www.e.leclerc. Et demain, c'est toi qui joues. Voilà, moi aussi, je veux gagner au grand jeu Leclerc. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bon, j'espère que Aude est contente avec ce problème de banque qui va, je l'espère, se résoudre parce que ça nous a quand même beaucoup coûté, parce que la probabilité qu'on soit invité à Roland-Garros par la BNP est quand même maintenant... très limitée. Oui, moi, le tennis, je m'en fous, hein, c'est pour le cocktail. Oui, je sais bien, vous, c'est le cocktail. De quoi parlons-nous, s'il vous plaît, maintenant, de Bruno qui est déjà passé le 30 octobre. Voilà ce qu'il nous avait dit. Je vous appelle du Nord. Je suis transporteur depuis mars 2018. J'ai travaillé régulièrement pour une entreprise. J'en suis à ma 14e mission non payée. Ah, c'est très court, mais c'était au moins très efficace. Oui. Donc, on résume un petit peu. Transporteur automobile, il travaille pour une entreprise. 14e mission non payée, 2800 euros dus. C'est énorme pour lui, et on le comprend bien. Et pour se justifier, la société dit être en attente de paiement de certains clients. Ça, on ne peut pas l'entendre. Je veux dire, non, mais de mémoire, je crois qu'il s'est engagé à régler. Faut, je ne sais plus exactement, mais... Alors, on avait eu un monsieur Perrin, hein, qui faisait état de difficultés au sein de la société. On cherchait à joindre la gérante, Madame Chanlot. Bruno, est-ce que quelqu'un vous a appelé? Personne. Oui, bonjour Julien. Bonjour, pardon Bruno. Alors... Je vais vous dire, c'est ce qu'il y a de pire, parce que encore une fois, on est les premiers, je vous assure, à comprendre qu'une société peut avoir des difficultés, qu'elle ne puisse pas payer, et on est les premiers, je vous l'assure, des fois, à refuser des dossiers d'auditeurs qui nous disent « je veux tout, tout de suite », etc. On dit non. Monsieur, on ne demandera pas tout, on ne prendra pas vos dossiers, car l'entreprise a des difficultés, ça peut arriver, donc on va lui demander si elle veut bien vous donner un petit peu et trouver un accord, on est juste là pour faire de l'amiable. Mais là, on l'appelle gentiment... Et elle ne rappelle même pas. C'est-à-dire, le dédain, on ne sait même plus où on en est. Si ça se trouve, la société n'existe même plus, hein, Bruno. Vous avez des nouvelles, vous, de la société ? Aucune. J'espère qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle. Alors déjà, effectivement, premièrement, il faut toujours vérifier sur Infogreffe ce qu'il en est régulièrement, lorsque vous avez face à vous une société. Et deuxièmement, autre conseil, règle d'or qu'on donne à chaque fois avec Julien, c'est systématiquement, n'attendez pas trop. Vos factures sont anciennes. Dans ces cas-là, les factures, c'est incontestable. Ils n'ont pas contesté. Donc, faites un référé pour demander le paiement des sommes devant le tribunal de commerce, puisqu'on a affaire à deux entreprises. Alors, on a dû se planter parce que j'ai demandé à Hervé Pouchol d'aller sur Infogreffe et il m'a envoyé une note hier en disant il y a deux reins de disponibles. Donc, je suppose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait le bon site. On appelle de nouveau la société. Dans une seconde, le temps de préparer le numéro. Pour être tout à fait honnête avec vous, Céline, qui fait les numéros, est aux toilettes. Apparemment, ça ne va pas fort. Donc, on la retrouve dans quelques instants et on lancera l'appel. D'accord, Bruno ? Oui, ok. J'entends du monde autour de vous, mon Bruno. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les petits-enfants qui sont en train de manger. Oh, regarde ces petits-enfants. Ils sont en train de jouer. Bon, oui, ils sont en train de jouer, c'est super. À tout de suite sur l'antenne pour appeler. Merci, Julien. C'est Kim Carnes et sa voix éraillée. Bette Davy Heiss, car vous le savez, les plus grands standards, et ça sera encore le cas en 2019, sont sur RTL. Carnes, Bette Davy Heiss. Les appels pour Bruno à la société qui doit 14 factures, c'est juste après cette petite pause, le temps de les recompter. Et vous n'oubliez pas Hervé Pouchol, hein. Coucou Lina, la glace à truc, on la renverse, c'est ça le truc. Parce que beaucoup de gens l'ont oublié et je tenais à le rappeler ce matin. On va se retrouver dans quelques instants sur RTL. C'est la première radio de France que vous écoutez. Belle journée à vous tous. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Smile, though your L'année commence bien et même très bien pour Alain Bonheur, puisque nous allons recevoir Patrick Timsit qui triomphe dans le livre de ma mère et que Kim Burrows viendra chanter en live Smile. J'en ai déjà, vous savez quoi, le sourire aux lèvres. Rendez-vous dans Alain Bonheur. Et Alain Bonheur, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Moi, cette année, j'ai décidé de faire du sport 3 fois par semaine. Moi, je vais apprendre le chinois. Et moi, j'arrête de râler. Stop, chaque année c'est la même chose. Et si pour la première fois, vous teniez vos bonnes résolutions? Pour perdre vos kilos en trop, faites comme j'aime. Vous perdrez du poids et vous tiendrez enfin vos bonnes résolutions. Tous vos repas minceurs sont livrés à domicile et vous êtes suivi par une coach minceur. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 507 507 0800 507 507 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Bonne année 2019 avec la première radio de France. Entre 9h30 et 11h, votre émission est la plus écoutée de France. Alors merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes sur RTL, nous sommes avec le cas de Bruno. Une entreprise pour laquelle il travaille lui doit toujours 2800 euros. Eh bien, nous avions appelé pour essayer d'avoir quelqu'un. On cherchait à joindre la gérante, nous avions laissé des numéros, nous avons, et personne n'a rappelé. Et c'est pas bien. C'est pas bien de faire bosser quelqu'un, ne pas le payer, ne même pas donner de nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'en moque. Moi, je préfère mille fois que la personne appelle en disant j'ai de grosses difficultés. On a eu plein de fois ce cas-là. Et on dit à la personne je comprends, mais même 20 euros, vous voyez, c'est presque une question d'honneur. On se dit on me prend pas pour un imbécile, il donne un peu, ben, tant mieux, j'accepte. Eh bien, nous allons appeler une nouvelle fois. C'est parti, ça va mieux, Céline? On y va? Eh ben oui, c'est bon. Allez, on y va, c'est très bien. Non, mais écoutez, je vous en prie, c'est normal. Et encore, vous n'avez pas nos âges, mais quand vous aurez nos âges, vous verrez que c'est les pauses durent beaucoup plus longtemps. Oh, je vous en prie, s'il vous plaît, mais ça va pas ou quoi? Non, mais vous entendez ça, maître? Non, j'entends rien. On a plusieurs numéros, on n'en a qu'un. On en a deux, là c'était directement le numéro de la gérante. Bon, apparemment, c'est la messagerie de Alter et Go. Alter et Go, 710 bis, chemin de Maliverny, deuxième numéro. C'est quand même incroyable. Si des gens connaissent cette entreprise et si vous savez, si elle continue d'exercer, peut-être avez-vous des liens directs avec eux. Merci de nous tenir au courant parce que c'est quand même fou qu'aucun numéro d'une boîte comme ça ne réponde. Alors on essaie toujours d'avoir, hein, madame... Allô ? Je vous rappellerai dès que possible. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Mais c'était pas une entreprise où on avait eu un stagiaire, c'est encore autre chose ? Non, c'était pas celle-là. On avait eu une boîte comme ça où on avait appelé et le monsieur nous dit « je suis le stagiaire ». Honnêtement, on connaît un peu les voix. Il avait la voix d'un homme de, oui, je sais pas, 60 ans à peu près. Oui, je suis le stagiaire. Bon, madame Chanlon, il va falloir peut-être Bruno. Vous, merci de nous rappeler, madame Chanlon, parce que là, c'est juste impossible d'avoir autant de factures à payer. Si l'entreprise n'existe plus, laissez-lui au moins la possibilité maintenant de faire appel à différentes caisses qui pourraient l'indemniser. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que doit faire Bruno, à votre avis, maître Novakovic? Ah ben, de toute façon, il n'a pas trop d'autre choix que saisir le tribunal de commerce en référé pour demander le paiement de toutes les sommes dues en joignant les devis, les factures, impayées, également sa mise en demeure. Et demander, bien sûr, une astreinte financière par jour de retard, plus un article 700. Mais c'est sous forme de salaire, Bruno, vous n'étiez pas auto-entrepreneur? Si, c'est une forme de facture. J'étais auto-entrepreneur. Donc, c'est le tribunal de commerce? Absolument. Et chaque mission était, il y avait une facture qui était éditée, qui était envoyée à Monsieur Perrin ou à Christine. Bon. Mais de toute façon, quand il voit votre numéro, la fois passée, vous avez eu de la chance, il a décroché tout de suite. Mais quand il voit les numéros de téléphone, vous savez quoi, on va tenter autre chose. Venez, mon petit Hervé. Venez, il va le faire avec son propre portable. Je doute fort qu'ils aient le portable d'Hervé Pouchol. En plus, il s'agit d'un homme. Ça serait une femme, voyez, malgré les 30 millions de femmes qui existent en France. Je ne tenterai pas le coup parce qu'il y en a au moins 27 millions qui ont son numéro. Mais voilà, là, il est en train de faire le numéro à l'instant. Donc, il l'a pas, ce numéro. Je vous rappelle. Voilà, vous voyez, c'est pareil, c'est le répondeur. Non. Il est en train de rouler. Hein. Oui, mais voilà, préparez-vous, en tout cas, Bruno, à maintenant mener cette action parce que je vais re-rappeler dans quelques jours. Mais il arrivera un moment donné où, si ce monsieur ne veut pas, il ne veut pas. Donc, dernier appel pour Alter Ego, chemin de Maliverny. Il y a. Ah, attention, une alerte, peut-être qu'on aurait quelqu'un. C'est Patrick. Allô, Patrick? Oui, Patrick Perrin, bonjour. C'est bonjour. Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL. Ah, je suis désolé, mais je suis en trop de train là. On s'est déjà vu il y a un moment. Eh ben, Monsieur Perrin, on vous rappelle parce que Alter Ego ne fait rien pour notre auditeur. Vous voyez, voilà, il va nous raccrocher au nez. Voilà ce que c'est qu'Alter Ego. Donc, c'était Patrick Perrin qui travaille apparemment avec Madame Christine Chanlon, qui est la gérante et que nous rappelons sur l'antenne d'RTL, Christine Chanlon. En tout cas. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez à traiter avec Alter Ego, soyez prudent et n'attendez pas 8 factures pour vous faire payer. Dès la première, arrêtez si vous ne vous faites pas payer. Parce que c'est juste incroyable la façon dont ce dossier est traité. Va falloir attaquer Bruno et passer à autre chose, d'accord? Oui, bah c'est ce que je pense, oui. On va réessayer encore, mais je vous laisse peu d'espoir. Enfin, avec nous en tout cas. Maître Fellono. Oui, d'autant plus que, comme le disait Sylvie, la procédure de référé ne prête à aucune contestation parce que vous avez en main un mail de cette société qui vous dit encore merci de votre patience, merci du travail accompli. Nous avons du retard dans vos paiements, donc rien n'est contesté et au contraire, on vous fait félicite de votre travail. Alors vraiment, le juge ne pourra que faire droit à votre demande. Merci beaucoup en tout cas, Bruno. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. Maître Fellono, s'il vous plaît. Ah, dites donc, vous pourriez me demander avec un peu plus. J'ai compris ce que vous voulez de Maître Fellono. Elle va le faire. Parce que je veux que l'auditeur soit satisfait, mais demandez-lui au moins en mettant les formes. Est-ce que la belle Nathalie pourrait venir me parler? Elle veut du violon ou pas? C'est quand même pas. Voyez ce que je veux dire. Allez-y, Nathalie. Hein, c'est un bon ami, vous lui faites... est-ce que la chambre bleue est libre, Hervé? Oui, elle est alors, libre. La chambre bleue pour Maître Fellono et pour Bruno. Allez, il est en train de lui parler. Dans une seconde, Charlotte. Jérôme devait prendre un vol pour la Colombie, mais une fois arrivé à l'aéroport, plus de place dans l'avion. Il est victime de surbooking et il n'a toujours pas été indemnisé. Ça se passe juste après Pharrell Williams et son Happy sur RTL. It might seem crazy what I'm about to say. Sur RTL dans le 9h30-11h, Happy. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, accueillons maintenant Jérôme sur l'antenne d'RTL. Jérôme qui était déjà passé, je crois, et qui nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. Je je vous appelle du Calvados. Je suis passé par une agence en ligne pour un vol aller-retour pour Cali et j'ai été victime d'un surbooking. Je suis resté planté sur le tarmac avec 3 autres passagers. Depuis, la compagnie ne me propose rien, ni le remboursement de mes réservations, ni la moindre indemnisation. Bernard Sabat, avant de savoir ce qui s'est passé, quelle indemnisation pouvait-il avoir, sachant que je crois qu'il y en avait pour un montant total de 1 450 €, et là on lui proposait 600. Non, il voulait qu'on lui propose 600. Alors déjà, en vérité, on lui doit tous les frais engendrés par cette situation, donc 1 450 €. Mais vous savez que dans le cadre de la directive européenne, quand on démarre de France, en l'occurrence c'est le cas avec la compagnie en question, on lui doit 600 € parce que le vol dépasse plus de 4000 km. C'est l'indemnité obligatoire que doit payer la compagnie pour compenser son client. Voyons maintenant ce qu'on propose à Jérôme. Jérôme, que vous ont-ils proposé depuis l'émission ? Bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Ils m'ont proposé 432 € pour le moment. Alors, envoyer le mail à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, oui, qui me dit qu'à l'instant que le mail sert à caler un meuble chez lui qui était un peu bancal. Non, non, il l'a eu bien évidemment, mais je veux que tous les auditeurs le sachent. Donc, est-ce que ces 400, c'est pour compenser les 600 qui sont dus ou c'est en tout au total ? Non, je pense que c'est, à mon avis, ils ont pris les frais qu'a dû avoir Jérôme et ils ont considéré qu'il n'y avait que 432 € à rembourser, ce qui est totalement fou. Attends, j'essaie de bien comprendre. Allez-y. Il y a les 1 400 que réclame Jérôme, sur lequel il peut y avoir contestation, qui sont les hôtels, etc., puisqu'il a dû rester sur place. Mais il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, 600 qui, eux, sont innégociables. Exactement. Et là, on lui propose 400 en tout. Voilà, 432 € en tout. Bon, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de la pénalité, évidemment, de la directive européenne. Il faut rappeler, donc, nos amis, c'est le groupe Air France, je crois. C'est Transavia, oui, c'est une des filiales, Julien. C'est la filiale low-cost Transavia. Ouais, exactement. Bon, on appelle ? Ah oui, il faut. On peut appeler tout de suite, c'est parti, s'il vous plaît. Céline, pouvez-vous appeler Transavia ? Tout à fait. Transavia. Ils sont bien d'ailleurs leurs avions, je l'ai pris une fois. C'est jolis. Pas cher. Les sièges sont c'est verts. C'est vert, ouais. Très non mais, chic. Vous voyez, j'avais un. Franchement. Bonjour, c'est Transavia. Bonjour, Transavia. Bonjour, madame, pour je me présente. Vous avez tapé un. Ah, pardon, c'est un répondant. Excusez-moi. Tu te fais avoir à chaque fois. For Netherlands. Un français. Dri. Dans le cadre du suivi de notre qualité de service, Dri. Nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Elle a dit pour Netherlands, Dri. Vous disposez cependant d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes. Dri. Pour plus d'informations concernant votre droit, c'est pas que Dri, c'était deux en néerlandais. Dri. Pour une nouvelle réservation, appuyez sur la touche 1. Pour toute autre information, appuyez sur la touche 2. Oui, la 2, hein. Dri. Oui. Ok. Oui. Dri votre temps d'attente est inférieur à une... Ah. Allô ? Allô ? Bonjour, Eva, votre écoute. Un DJ. Allô ? Vous m'entendez, Transavia ? Oui, bonjour madame, je me présente. Je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Je vous appelle pour essayer d'avoir un interlocuteur concernant une indemnisation pour quelqu'un qui, suite à un surbooking, est resté sur le tarmac et a dû attendre quelques jours pour repartir. À qui puis-je m'adresser ? C'est directement sur le site www.transavia.com. Ah, au téléphone, vous ne faites rien. D'accord. Oui, tout à fait. Bon, ok. Non, on ne va pas perdre de temps. Je vous embête pas, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, un, oui. On ne comprend rien. Et deux, il faut le faire. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il faut le faire par mail. Oui. Moi, Julien, moi, je ne suis pas content du tout parce que vous avez vu ces plateformes délocalisées, ce que ça donne ? Vous avez vu l'accueil ? Vous avez vu le bruit qu'il y a derrière ? Ouais. Comment voulez-vous qu'un consommateur voyageur puisse entendre ce qui se passe ? Pour que ça soit moins cher, on va à l'étranger. Exactement. Mais pour que ça soit encore moins cher, on ne met pas de mur ni de toit. On les met directement sur le bord de la route. D'ailleurs, vous les voyez quand vous passez en voiture. Vous voyez des gens en train de téléphoner. Alors, les gens se disent, tiens, il est en panne. Mais pas du tout. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens de Transavia qui font leur boulot. Félonio, aujourd'hui, tu te mets à la sortie Clermont-Ferrand. Oui. Tu te mets à côté de la borne. Toi, Pouchol, tu m'assures le standard, tu iras chez Pizza Pino. Ok. Tu te mets à l'entrée à l'accueil, tu fais gaffe à pas gêner le service, hein, tu réponds aux clients. Non, c'est des open space, Julien. Ah, bon, c'est la grande mode. Bon, ben, vous allez appeler peut-être je le président. La direction, hein, rappelons que vous avez quand même 35 ans d'expérience s'il vous plaît, dans Julien, le monde du voyage. Vous j'ai avez commencé à 10 ans, hein, le tourisme. Je sais bien. Alors, vous essayez de m'avoir quelqu'un rapide. Oui, Julien. Vous inquiétez pas, Jérôme, on va pas lâcher, c'est pas normal. D'accord. Mais je vais vous dire qu'il y ait une négociation, parce qu'on va pas se mentir, Jérôme. Il y a parfois des gens qui tirent un peu sur l'élastique. C'est-à-dire qu'ils sont victimes de la même chose que vous et ils disent « Oui, j'ai dû aller dans un hôtel qui était très cher parce que tout était plein. J'ai dû manger pour 80 €. J'avais dans mes bagages 8 montres Rolex. » Vous voyez, ils essaient de gonfler. Donc, qu'il y ait une négociation sur ce que ça vous a coûté sur place, je veux bien. Mais de toute façon, les 600 euros, c'est scandaleux qu'on ne les propose pas automatiquement. Et d'ailleurs, si ça ne marche pas, nous irons chez nos amis de demandezjustice.com et je peux vous dire qu'on donnera le résultat, mais ça sera du tout cuit. Julien, je vais aller un petit peu plus loin, si vous permettez. Alors, où voulez-vous aller? Dans ce dossier, je pense que quand on arrive à l'aéroport, évidemment, et qu'on n'a pas sa correspondance, il doit avoir une personne de Transavia, le chef d'escale, qui doit expliquer la situation et trouver la solution pour son client et éventuellement de l'héberger, comme le dit la directive européenne. C'est pour ça que je ne suis pas content. C'est qu'ils n'ont rien fait pour leurs clients. On leur a dit, débrouille-toi mon coco, tu reviens dans 2 jours ou dans 3 jours, on aura éventuellement un vol. Ils l'ont laissé à l'abandon. Ça, c'est inadmissible. Par contre, des fois, c'est vrai que le surbooking a aussi du bon. Je vous assure que j'ai assisté à une scène, moi, à Orly, où les gens se sont presque battus parce qu'il y avait trop de monde et quelqu'un est arrivé en disant, ceux qui acceptent de ne pas partir maintenant, 300 euros. Là, les gens se battaient, mais vraiment, parce qu'il fallait vraiment que l'avion parte et il fallait libérer 4-5 personnes. Mais je vous ai vu se bousculer. Alors, on attend que Bernard ait une solution. Julien, je viens de regarder dans le détail le courrier qu'ils ont envoyé à notre auditeur. Et regardez ce qu'ils répondent, c'est quand même très important. Coup de gueule ? Ah oui, ça mérite. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Je vous rappelle que notre auditeur devait partir à Cali, en Colombie, d'accord ? Via Madrid. Eux considèrent que l'indemnité qu'ils doivent payer, c'est uniquement l'indemnité entre Paris et Madrid, soit 250 euros comme le veut la législation. Ça aussi, c'est un pur mensonge, Julien. Ce n'est pas normal. On tourne évidemment autour du pot et on évite de payer. Mais pourquoi font-ils ça ? Parce qu'ils se disent ils n'iront pas au procès parce qu'on est sûr de perdre. Mais ils pensent tout simplement que notre auditeur va accepter la solution de récupérer au moins déjà 250 euros sur le droit européen. Ça, ce n'est pas normal. C'est une faute grave de la part de la compagnie d'agir de cette façon. Je ne sais pas ce qu'en pensent évidemment les avocats autour de la table, mais c'est presque... Il n'y a rien à y penser. C'est comme si un PV, on vous mettait un PV à 130 euros et vous dites, bon allez, je vais te donner 40 et on n'en parle plus, non. Le PV, il est à 130, c'est à 130. Mais là, c'est qu'une sorte de PV pour l'aérien qui consiste à dire que quand il y a autant de retard, etc., on lui doit 600 euros. Bon, écoutez, on va essayer de s'arranger parce que là, Jérôme, il a l'impression qu'on lui chante la chanson de Michel Delpech. Ras-le-bol, attends. Mais qu'est-ce que vous faites pour moi, monsieur? Parce que j'avais pas pu partir. On pourra, dans les premiers temps, filer une tente à tes parents. Le temps de faire le nécessaire. Vous dormirez sur le tarmac. 3 sandwichs et un hamac. Vous ferez pas chier la tête. Voilà, quoi. Voilà. Je sais pas, là je le dis à ma façon, mais ça n'a pas dû se passer comme ça. Hervé Pouchol, je vous sens tourner autour du téléphone, faire des fausses alertes, c'est-à-dire des demi-alertes. Que se passe-t-il exactement? Vous me stressez. Vous avez remarqué, je n'ai pas levé le doigt. C'est vrai. Je suis sur le point d'obtenir un témoin. Sur quel dossier ? Eh bien, c'est sur le dossier de Bruno. 14 missions à payer pour un total de 2800 euros pour Bruno. Mais qui est ce témoin ? D'où il sort ? Eh bien, c'est Christine Chollon qu'on essaye de joindre en direct. Ah, c'est pas un témoin, c'est carrément la gérante. Oui, c'est la gérante. D'accord, alors on y va. J'ai établi un contact par SMS. Oui, on voit ça. C'est super efficace, vous avez bien fait. Hein. Mais bon... Dans 2 minutes, si on laisse sonner, je ne vais pas laisser sonner parce que... Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Madame Pouchol. Bon, merci beaucoup, il appelle sa mère en nous faisant croire pour justifier son salaire qu'il a des gens. Merci en tout cas Hervé, non, il a tenté le coup, ça n'a pas marché. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Bonjour, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange. Belle et grande année nouvelle pour vous. Réussite, travail, liberté, une année RTL quoi. Intermarché vous propose d'écouter 12,29€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs ? Bien sûr, mon chéri. En ce moment, chez Intermarché, le pack de lessive 3 en 1 Pods Original Ariel est à seulement 12,29€ avec en plus 70% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 6 janvier, pack de 972 grammes, soit 12,64€ le kilo. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et sur l'antenne d'RTL, nous revenons sur des cas traités en 2018. Nous ne lâchons rien en 2019. Nous avons James Lee qui est en ligne avec nous. James Lee, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. James Lee, voici ce que vous nous avez dit le 7 décembre sur RTL. Je vous appelle de la Moselle. J'ai acheté un canapé dans une grande enseigne et je l'ai payé 700 euros. Quand je m'assois dessus, on sent les ressorts qui sont prêts à transpercer. Le tissu. Le SRI m'annonce que depuis avril, une nouvelle assise va être commandée et j'attends toujours. Alors, je vous rappelle que quand il s'assoit sur son canapé, oui. C'est pas agréable. Non. Les ressorts qui traversent le tissu. James Lee, nous avions appelé cette belle enseigne. Je dis belle enseigne car jusqu'à présent, elle fait partie de ces enseignes qui, quand on les appelle, règlent le problème dans les 48 heures. Alors pourquoi on les appelle de temps en temps? Parce que le volume est énorme. Les magasins Butte sont peut-être les leaders dans le meuble. Mais quand on les appelle, comme quand on appelle la Poste, quand on appelle AXA, ils règlent toujours le problème. Voyons si en 2019, ils sont toujours sur cette ligne de conduite. James Lee, que s'est-il passé ? Eh ben voilà, suite à votre appel, j'ai été rappelé directement donc pour récupérer mon canapé en gros. Et puis dans la foulée, j'ai été me faire rembourser. Eh ben voilà. Vous êtes content, James Lee ? Ah ben super, oui, merci beaucoup. Bon, ben écoutez, merci à Butte. Encore une fois, ça fait plaisir d'avoir de belles marques, la française, qui, quand il y a un souci, rembourse tout de suite. Et par contre, Julien, vous étiez un petit peu trompé. Ah, pourquoi ? Parce que vous m'aviez dit que bon ben quand je ramenais des filles à la maison, elles ne restaient pas, etc. Et ben il y en a une qui est restée et puis ben on sera trois bientôt. Ah ben c'est grâce au nouveau canapé oui. Butte. Ben, merci Butte. À mon avis, à peine vous l'avez déballé, vous vous êtes déchaîné sur le canapé. Faites gaffe quand même. Je dirais pas ça, mais bon je l'embrasse elle de nous écouter. Oh ben c'est génial. Comment elle s'appelle? Annabelle. Bon, et Annabelle, alors Annabelle, c'est indiscret de vous demander, elle est enceinte de combien ? Là, 5 mois et demi, bientôt 6 mois. Oh, bah c'est génial. Un petit, donnez-lui comme prénom, Butte. Roule. Patrick François Butte, en souvenir du canapé. James Lee, merci, je vous souhaite une belle année 2019. Merci beaucoup. Et voyez-nous une petite photo quand même, un petit selfie avec le bébé. Gros bisous. Ben voilà. Et ça, c'est la directrice de la communication des magasins Butte qui sera contente de voir que, un, le client est satisfait et deux, en plus, il fait des bébés sur le canapé livré. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous écoutons Michael Sambello, Maniac sur RTL. Gignac, Michael Sambello sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et voilà tout ce qui s'est passé depuis 9h30 sur l'antenne d'RTL. Tout a démarré avec Claude. Claude signe un devis pour la réfection de sa toiture en septembre. L'artisan vient poser une bâche 8 mois plus tard et depuis, plus rien n'avance. Et pourtant, il a payé 27 000 sur 30 000. Plus d'un an qu'il attend une bâche de l'eau qui entre dans sa maison. L'entrepreneur qui continue à prendre des rendez-vous pour d'autres chantiers. Hervé ? Eh bien, il sera là lundi à 8h15 et il y en a pour 15 jours de travaux. Et vous nous confirmez qu'il y aurait des dommages et intérêts si jamais il ne venait pas, si la maison est en train de se détériorer. Dommages et intérêts par la suite, bien sûr, il peut très bien les réclamer, mais il faudra qu'il prouve son préjudice. Et là, il n'y aura pas de difficulté s'il fait venir un huissier. Le cadeau de la pauvre Aude. 9 800 euros ont été pris sur son compte frauduleusement, lui créant un découvert très important. Résultat, elle est fichée à la Banque de France. Et nous avons appelé nos amis de BNP Paribas Langon. On nous a dit, je ne connais pas ce genre de métier. Allez, voir à côté. J'ai donc appelé la direction régionale à Bordeaux où l'on m'a dit, je ne connais pas ce genre de métier. Allez, voir à côté. Et vous avez finalement eu le siège. Oui, exactement, Julien. J'ai eu Olivier Durbis qui a pris le dossier en main, qui devrait revenir avec nous. J'espère que donc ça va aller vite. Et j'espère aussi qu'on pourra célébrer la cérémonie Urbi et comment s'appelle-t-il ? Durbis. Très bien. Et nous avons eu également Bruno, le transporteur. Et là, pour l'instant, aucune nouvelle malgré la tentative d'Hervé Pouchol pour Alter Ego. Nous attendons que Mme Christine Chanlon nous réponde. Ainsi s'est déroulée l'émission d'RTL. Merci à vous tous. Bernard, un dernier mot ? Oui, juste pour Jérôme, pour le cas du voyage. J'espère Transavia. Oui, Transavia. Donc, j'appelle la direction, mais je vais quand même exceptionnellement aussi appeler le revendeur qui s'appelle eDreams au Podo pour voir s'ils peuvent nous aider dans cette transaction. A tout de suite sur RTL. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Chez Carrefour et Carrefour Market, c'est le mois encore moins cher. Il y a 70% d'économies sur plein de produits, comme sur la lessive Ariel Pods. Résultat des courses, une année qui commence sous le signe des économies pour mon porte-monnaie. C'est le mois encore moins cher chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Jusqu'au 13 janvier, avec votre carte Carrefour, profitez de 70% d'économies sur les capsules de lessive Ariel Pods 3 en 1. Carrefour. Original ou Alpine, pack de 40 capsules. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. La plus grande avocate pénaliste de France qui défend les cas les plus désespérés. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner avant de tuer quelqu'un, appelez-la pour avoir des conseils. Ou si vous pensez que vous allez vous-même être tué, prévenez-la à l'avance, elle pourra vous donner de bons conseils. C'est Maître Novakovic. Merci Julien, au revoir à tous. Avocate pénaliste. Et il y avait Maître Felloneau. Merci Julien. Merci les garçons. Merci. Merci à toutes les équipes. Merci. Allez, c'est Stéphane Bern qui arrive dans quelques instants. On était ravis de vous aider, on continuera à le faire. Tant qu'on nous demandera de le faire. Mais nous, en tout cas, ça nous fait plaisir. C'est chaque matin entre 9h30 et 11h.